Introduction. Cela fait maintenant quelques années que j'avais envie de faire un CD violon. Aujourd'hui, le CD est déjà fini, ce qui explique pourquoi vous pouvez le lire. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons ? Commençons.